la matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Ah, j'ai trop envie de laisser... la musique. Mais non, faut que je la baisse. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour pour notre première, la première de la matinale de 18h. Oui, vous avez bien entendu, la matinale de 18h. Avec autour de cette table, James, comment tu vas bien, James? Salut, bah, je vais très bien. Je suis très heureux d'être là. C'est super. Bon, très fier d'être sur cette première. Ah oui, très fier d'être sur Fadjet. Impeccable. Et tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Oh, de plein de choses. De choses qui donnent le sourire, de choses qui rendent triste. De bah, tout quoi, bah c'est pas de grave. La vie. Et puis vous l'avez entendu, puisque il sait être discret, juste là. Eh ouais, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fadjet Radio, la matinale de 18h, je suis Jocelyn et je tousse régulièrement. Et une super santé aujourd'hui, hein, manifestement. Une santé de fer, comme à mon habitude. Bon, et puis moi-même... Oui, bonjour Tristan. Oui, voilà. Ah, salut. Puisque je vais être le fil rouge, enfin presque le fil rouge, puisqu'il y aura un autre fil rouge sur cette matinale des 18h, mais on commence tout de suite avec le journal sans plus tarder. Il est 18h et quelques secondes et on commence tout de suite par les informations nationales et internationales présentées par James. Anonymous pirate la chaîne Gulli en Russie pour passer en boucle des émissions de TPMP. En effet Tristan, et ce fut la sanction de trop pour la Russie. Le président Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin dans une élocution officielle. Il a déclaré « J'ai décidé que cette guerre n'en valait pas la peine, mes petites beautés ». Avant de préciser que le rappeur Booba sera l'invité du Kremlin dès demain. Booba, qu'on salue. On le salue évidemment. La tour Eiffel va être camouflée au cas où il y ait une attaque russe. Et oui, le génie militaire français a encore frappé. Afin de préserver le monument emblématique du pays, le ministère de la Défense a opté pour le camouflage par la confusion, Tristan. C'est pourquoi les travaux de construction de répliques identiques de la tour Eiffel ont commencé un peu partout dans Paris. Mmh. Il y aura notamment 97 tours Eiffel qui seront un peu disséminées dans Paris. Comme ça, on ne saura pas vraiment. On parle de l'heure. Hein, exactement. Et l'heure, il est l'heure. Et oui, tout à fait. Aya Nakamura. Oui, vous avez bien entendu, Aya Nakamura est pressentie comme prochaine ministre de la Culture du gouvernement français. Effectivement, la célèbre chanteuse entend bien redorer le blason de la culture française. Parmi ses premières mesures, principalement des changements de nom, le viaduc de Milo deviendra le double pont machin là. Le Panthéon sera renommé le troisième album de Booba et le centre Pompidou deviendra le centre Joule. L'intéressé a déclaré... Je vais tout faire en mode Kalekachana. Faut que ça fly en Darka, bébé, tu vaux ça. Affaire à suivre. Merci, merci James pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Information locale avec, pour sauver la SNL de la relégation, le club a pris une décision choc, Jocelyn. En effet, une décision qui va faire du bruit puisqu'à partir de mardi prochain, la SNL partira avec un point de départ pour éviter toute autre humiliation. Un point de départ? Eh oui, on partira directement sur du 1-0. Ah oui, d'accord. Un but. Un point, oui, c'est un goal, pardon, excusez-moi. D'accord, oui, attention, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs de l'SNL qui nous écoutent, qui ne vont plus au stade, mais qui nous écoutent. Les Vosges envoient une tonne de Munster en Ukraine comme arme chimique. Et les résultats sont déjà là. L'armée russe a ressorti des masques à gaz, mais rien ne peut battre le fromage vosgien. Cependant, les Ukrainiens se plaignent de flatulences excessives. Et enfin, manifestation prévue ce samedi pour le retour du masque et le retour du pass vaccinal suite à un allègement des mesures du gouvernement. La police sera sur place dès le début d'après-midi. Des émeutes ne seront donc pas attendues dû au respect des gestes barrières des manifestants. Merci pour ce flash info. On se retrouve ensemble pour le prochain flash à 18h30. On passe tout de suite à la météo. La météo. La météo de 18h, bien évidemment, présentée par Jocelyn. Aujourd'hui, il fera bof sur la Lorraine avec quelques grisailles à prévoir. N'hésitez donc pas à sortir couvert, mais pas en plastique. J'adore cette boutade. Ouais. Allez, je rajoute quand même. Ça fait plaisir. Merci. Des applaudissements. Le studio est ça en délire. Oui. Merci beaucoup pour cette météo, Jocelyn. Tout de suite, c'est l'éphéméride. Mais avant l'éphéméride, oui, vous l'avez reconnu, Julien Doré. Kiki. Kiki. À tout de suite. De mon cœur tu tombes. Dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué. Doré, Kiki. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. C'est pas vrai. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Oh, c'est tellement beau ce corps. Félicitations. Magnifique. Félicitations. Félicitations James à Manu qui joue du corps aussi. Ah, oui, c'est Manu. Ah, oui. Hein. Oui, c'est Manu. C'est Manu en studio. Et si là, vous saviez avec quoi il fait ce bruit de corps, c'est phénoménal. James, nous sommes un jeudi 24 mars. Et qu'est-ce qui s'est passé un jeudi 24 mars? Alors d'abord, Tristan, savez-vous qu'aujourd'hui nous sommes là. Manu, tu peux arrêter, s'il oui, te plaît. Un petit peu de lourd, silence, là, s'il vous plaît. Tu rebouches ton orifice, s'il te plaît. Il a du mal à. Oui, pardon, excuse-moi. À ne pas bouger son corps. Oui, alors, vas-y. La journée mondiale de la tuberculose aujourd'hui, oh Tristan. Voilà, on salue tous les auditeurs qui nous écoutent avec. Tous les tuberculeux. Avec la tuberculose, voilà, on les salue. Et tuberculose, évidemment, inventée, découverte par Robert Koch. En parlant de corps, en voilà encore un. Robert Koch. Et savez-vous, Tristan et Jocelyn, de quoi est mort Robert Koch, justement? D'une tuberculose? Oui, d'une tuberculose. Non. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Ah. Voilà. On lui souhaite, un bon rétablissement. Ouais. Voilà. Sinon, au niveau des décès, puisqu'on va rester dans la joie un petit peu. Ah oui. Savez-vous qu'on est aujourd'hui à l'anniversaire de la mort de Jules Verne? Jules Verne est mort un 24 mars 1905. Savez-vous qu'il y a également une théorie comme quoi Jules Verne ne serait toujours pas mort, hein? Il serait encore vivant, oui, bien sûr. Aux Maldives. Bien sûr. Voilà, aux Maldives. Mmh. On parlera peut-être de ces complots, hein, de ces grands complots, mais c'est vrai que voilà, la théorie existe. Il aurait eu un enfant avec Jeanne Calment. Exactement. Et alors, Elisabeth Ier serait aussi morte un 24 mars, en 1603. Je ne savais même pas qu'avant Elisabeth II, il y avait une Elisabeth Ier. Mais c'était il y a très longtemps, en 1603. Hein. Et alors, j'avoue qu'il y a aussi une théorie comme quoi Elisabeth Ier ne serait pas morte, justement, et que ça serait en fait Elisabeth II qui a juste changé de numéro. Upgrade quoi. Voilà, c'est ça. Okay. C'est un peu comme Windows. À vérifier quand même ces informations. À vérifier, voilà. Bien évidemment, on aura un expert tout à l'heure. On pourra lui demander. Oui. Ensuite, au niveau des naissances. Oui. Au niveau des naissances. Alors, on a Corneille. Alors, j'ai pas réussi à déterminer si c'était le chanteur ou l'écrivain. Je ne sais pas du tout. Ou l'oiseau. Ou l'oiseau, ouais, voilà. Mais en tout cas, il y a un Corneille qui est né. Très bien. Et au niveau magie, un petit peu de magie. Un petit peu de magie dans cette matinale. Non, non, non, non. Un magicien. Du génie. Houdini est né en 1874. Le fameux maréchal Houdini. Harry Houdini. Maréchal Houdini, ça y est, je l'ai, c'est la rue à Nancy. D'accord, ok, c'est super drôle. Alors, qu'on dit un Houdino, des Houdini. Exactement, voilà. Oui, puisque c'est du latin. Et puis, on termine avec, si vous le voulez bien, le proverbe. Hein, aujourd'hui, on est la Saint-Gabriel. Oui. Et le proverbe, si à la Saint-Gabriel, elle te roule une pelle, c'est plutôt bon signe, on va pas se mentir. Voilà, une chute de corps que j'ai voulu mettre pour conclure et cette belle... Chute de corps, mais pas de corps de chasse. Non, non. N'est-ce pas, Manu ? Si, il est là, le voilà. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Eh ben, l'éphéméride, elle était très bien. Merci beaucoup, merci James. On se retrouve tout de suite pour l'horoscope, parce que oui, sur Fadjet, il y a aussi des horoscopes, mais ça, c'est avant... Bruno Mars. À tout de suite. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Bruno Mars, 24K Magic. Ça, c'était bon. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Ou pas. L'horoscope de 18h sur Fadjet. J'ai voulu laisser jusqu'à la fin. Bonjour, très chers auditeurs, si vous nous rejoignez pendant cette première émission, toute première de la matinale de 18h, et vous tombez bien parce que c'est le moment de l'horoscope. L'horoscope, et je vais m'y coller avec... je vais prendre un cobaye, Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour Tristan. Jocelyn, je vais te demander quelques petits éléments et je vais te dire comment ta journée va se passer, ok ? Tu es de quel signe ? Cancer. Cancer. Quel Zébulon ? Zébulon Mars. Zébulon Mars, oui. Aujourd'hui, mais ne le prends pas mal, hein. Aujourd'hui, tu as le Neptune dans le Pluton. Voilà, il faut que tu le saches. Difficile. Au moins, c'est direct et c'est ça que j'aime bien avec toi. Ouais, mais je préfère, parce qu'on se connaît bien et c'est douloureux. Alors, je sais pas si toi, tu le sens, là, le Neptune dans le Pluton. Je sais que pour moi, ma journée, je me suis levé du mauvais pied. Pas top, quoi. Et là, il est quoi ? Il est 18h passées, tu as déjà travaillé ? Je sors du taf. Tu sors du taf, ça s'est passé comment ? Plutôt mal, on n'a pas résolu les problèmes qu'on avait créés. Et je pense qu'il aurait fallu que tu viennes une heure plus tard au travail. Pourquoi ? Parce que tu Neptune a son soleil ascendant. À 17h. Et là, il est 18h. Ouais, hein, James, je pense qu'on en a déjà parlé. Non, mais ça, c'est vrai. C'est un truc qu'il faut le savoir au moment où tu te lèves. Voilà. Parce que sinon, tu te lèves avec une heure de retard. Mais moi, comme un penaud, je fais quoi ? Je me lève à, comme tous les jours. Après, j'ai facile à dire parce que ta journée de travail est passée. Mais j'aurais pu le dire ce matin avant que tu travailles. C'est vrai que ça aurait été clairement plus facile parce que tu es un expert renommé d'horoscopie. Oui. Voilà, c'est aussi. Oui, c'est vrai. Alors, en amour. Écoute, en amour, on oublie, hein, tu te rappelles que tu es toujours en couple avec ma fille, donc tu oublies tout ce qui est amour, ok ? Ah oui, c'est vrai que je m'en rappelle. Maintenant que tu me le dis, je m'en rappelle, c'est vrai. Il serait temps que tu t'en rappelles. J'oublie, ouais. Et au niveau santé, alors on est sur une base, alors toujours côté Neptune, beaucoup de paix, beaucoup de flatulence pendant ta journée. Je ne sais pas là si tu as eu un surplus de gaz. Plus qu'habituellement, mais c'est vrai que ma journée de travail a été aérienne, oui. Voilà. Rassure-toi, dès demain, Pluton ressort de ton Neptune, et là, tu vas vraiment sentir les bienfaits de ta journée. Hein merci beaucoup d'avoir été mon cobaye pour cet horoscope. J'espère qu'on a été vraiment... Pour moi, c'était limpide, en tout cas, j'ai ressenti tout ce que tu as dit. J'espère qu'un jour, ça sera moi. J'aimerais bien savoir aussi un jour, moi. Alors, dans 15 jours, pas de souci, James, je te ferai ton horoscope. Je retourne jouer de l'orgue Alors, oui, tu peux retourner jouer de l'orgue. C'est Manu qui m'a appris. Voilà. Je fais comme ça. T'es trop fort, James. L'horoscope. Oui, merci. De 18h. Sans plus attendre, parce que l'émission continue, l'invité politique, c'est juste après Dua Lipa et Angèle. Fever. See you later. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps en temps tes bras. Et Angèle, Fever, comme on dit. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Ouais. L'invité politique de 18h sur Fadjet. Un invité politique bien spécial aujourd'hui pour notre première matinale de 18h, puisque nous avons l'honneur de recevoir avec Jocelyn Charles Chalet-en-Bois. Charles Chalet-en-Bois, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes un éminent complotiste. Un expert en complot, je ne suis pas complotiste, attention. Oui, expert en complot, excusez-moi, pardon. Je laisse la main à un professionnel qui saura vous poser les bonnes questions. Et je te remercie, Tristan. Charles Chalet-en-Bois, bonjour. Je vous accueille sur ce plateau pour discuter de votre livre sur les complots d'État dans tous ces États. Bonjour, pouvez-vous un petit peu vous présenter quelques mots, puis après on passera aux questions-réponses. Je suis un expert en complots, c'est-à-dire que j'analyse, je décortique un peu les complots tout dans l'histoire et même dans les plus récents qui peuvent avoir lieu. Vous avez une exclusivité, quelque chose à nous raconter un petit peu de ce qui vous a fait connaître? Non, mais c'est vrai que c'est l'anecdote de mon livre qui marche le mieux. C'est celle sur Jeanne Calment, comme quoi, en fait, elle ne serait pas Jeanne Calment, ça aurait été sa fille qui aurait pris son identité et qui aurait, en fait, vécu longtemps, mais qui n'aurait pas vécu jusqu'à 122 ans, comme on le dit, dans les médias. Ouais, alors ça nous intéresse que très peu. Et peut-être autre chose, mais... Quand vous parlez, monsieur Charles, j'ai l'impression que vous avez un... Chalet-en-Bois. Chalet-en-Bois, excusez-moi. Ouais, c'est ça, ouais. De votre visage m'interpelle. Vous n'avez pas forcément un accent québécois, monsieur Charles Chalet-en-Bois. J'avoue qu'il est extrêmement pourri. Écoute, non, mais en fait, le truc, c'est que pour réussir dans ce milieu, il faut absolument avoir un accent québécois. C'est-à-dire que si on est dans le milieu du complotisme et qu'on n'a pas d'accent québécois, c'est très, très difficile. Bon, la vol joue. C'est pour ça que je suis un peu obligé de... C'est une couverture. C'est une sorte de complot. Je ne vous permettrai pas à votre émission, la matinale de 18h, de dire ça, parce que je... Comment ça? Non, mais c'est juste que je ne veux... Voilà, moi j'ai aussi monsieur des dossiers... Je suis venu préparer, j'ai aussi des dossiers sur votre émission. Ah bah allez-y, voilà, on va se calmer. Hein, on va se calmer. Alors, allez-y, quelque chose que vous avez à dire, parce que l'émission c'est courte et on va arriver à la fin de cette émission. Alors juste une question, ou alors... Si c'est pour le prendre comme ça, moi il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, cette émission, la matinale de 18h, entre guillemets, il faut bien que les auditeurs le sachent, mais ça n'est pas une matinale, puisqu'il est 18h. Je ne vous permets pas. Voilà, je dis les choses, je suis désolé. Oui, je suis obligé de couper les micros. Merci quand même, Charles Chalet-en-Bois, d'être intervenu. On passe tout de suite sans transition à notre fil rouge, puisque nous avons Serge Fula. Est-ce oui. que vous nous entendez? Oui, je suis là, oui. Oui, bonjour Tristan. Bonjour. Oui. Alors, vous êtes au QG de Emmanuel Macron, c'est ça? Dans le cadre de la campagne présidentielle. Voilà, qui a lieu dans exactement. Moins d'un mois. Alors, je suis, pour être tout à fait exact, je suis sur le lieu de son prochain meeting, hein, le président candidat Emmanuel Macron. Serge, excusez-moi, oui. Mais on entend des enfants derrière. Est-ce que vous êtes sûr d'être au bon endroit? Non, alors oui, alors si vous voulez, je suis au bon endroit, c'est là que le meeting va avoir lieu à 20h, hein, donc très prochainement, c'est ici. Hein, Oui, donc dans une heure et demie, on devrait déjà entendre des bruits d'adultes. Oui, oui, bon alors, le truc c'est que c'est à 20h demain, hein, donc là du coup, là, donc c'est une MJC, elle est occupée par des activités de... Je crois que c'est du... Serge... Oui, c'est de la pâte à modeler. Ouais, d'accord. Là je distingue, là, le petit garçon est en train de faire un... Bah, c'est, d'ailleurs c'est amusant, il est en train de faire un bonhomme. Oui, d'accord. Merci. Je coupe le micro, je suis désolé. On se retrouve plus tard et vous avez intérêt à être sur un QG d'un candidat à la présidentielle, sinon c'est la fin de votre mission, Serge. Tout de suite, parce que le temps presse, c'est le journal, mais avant, Dr. Dre, à tout de suite. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. If you ain't up on things, Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffing my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch, yes. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my still, regards. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them counters. Dr. Dre, still Dre. La matinale de 18h. Il est 18h30 et quelque chose, comme ci, comme ça. C'est le journal présenté par Bibi, Jocelyn et James. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales. Il mange des tacos, regarde Energy 12, boit de la 8-6 tous les jours, son QI baisse. En effet, son QI baisse, mais sa popularité augmente. Une étude a révélé qu'un nouveau phénomène devenait populaire parmi les jeunes, les soirées Energy Tacos 8-6, comme on les appelle. Cette pratique commence même à atteindre jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, puisque le président aurait lui-même déclaré dans un tweet « Petit hoodie, petite 8-6 devant les anges tranquilles. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre, effectivement. Après, on passe en sport. Après le match perdu contre le Real Madrid, la direction du club du PSG envoie les joueurs à Moscou pour un décrassage. En effet, ce n'est que la première des nombreuses sanctions prévues contre les joueurs. Le président du Paris Saint-Germain a également prévu de changer le symbole euro sur les fiches de paye pour le remplacer par le symbole rouble. Ce qui va être, si vous pouvez me permettre, Tristan, une expérience pour les joueurs cathartique. J'ai pas compris, mais ça me fait rire. Okay. La région des Hauts-de-France a déclaré la guerre à la Russie cette nuit à 3h du matin en lançant des canettes vides en direction de la Russie. Les premières ripostes ne se sont pas fait attendre puisque des tirs balistiques de bouteilles vides de vodka ont été interceptés 2 heures plus tard à peine, après l'ouverture des hostilités. Un émissaire doit être envoyé, je crois. Oui, oui, la Belgique s'est déclarée prête à fournir des stocks de Jupiler à son voisin pour l'aider dans l'effort de guerre. Voilà. Et évidemment, tous les barmans, tous les barmen de la région sont invités à préparer des cocktails en vue d'un durcissement du conflit. Merci James pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Un colis suspect samedi dernier, place Tan, la valise était remplie de bouteilles de coca et de bonbons de Mentos. En effet, cela paraîtrait pour une blague, mais il n'en est rien. Arrêté sur place, le jeune chimiste aurait finalement avoué vouloir faire un slime géant sur la basilique Saint-Èvre en second lieu. Le Grand Nancy Handball qui descend, l'ASNL qui descend, la mairie de Nancy est en colère contre le SLUC qui empêche le Grand Chelem de la Louse à Nancy. Le SLUC, encore une fois, hué à cause de sa victoire contre Denain par les chelémistes nancéens. En effet, c'est la seule équipe du pôle sport Nancy qui n'arrive pas à perdre. Information suivante, elle refuse d'enlever son masque et crache en direction du policier, toujours avec son masque. Drôle d'histoire en effet, mais le sergent victime de la scène aurait alors témoigné ne pas en être en capacité de reprendre du service. Une cellule psychologique a été ouverte. On comprend tellement. Merci James, merci Jocelyn pour ce deuxième flash info de la matinale de 18h. Tout de suite, c'est la météo. La météo. La météo, c'est pour moi quelques éclaircies, mais sans plus, ne sortez pas, sauf si c'est pour faire des courses de première nécessité, comme profiter de la promo de 3 kg de pommes de terre achetées pour un balai brosse offert chez tous les magasins participants. Merci beaucoup et on a hâte de voir les jours suivants quelle promo on va pouvoir avoir. Merci Jocelyn. Merci à toi. Tout de suite, sans plus attendre, on laisse passer la mouette déjà, on passe au retour du fil rouge avec Serge Fula. Serge. Oui, Serge, oui, voilà, Tristan. Oui, bonjour. Rebonjour en fait Tristan. Bon alors là, je sais que là vous allez pas pouvoir, je suis bien au QG de campagne de Jean Lassalle. Qui est un candidat à l'élection présidentielle. Donc je suis dans son QG de campagne. Oui. Et j'ai même un scoop pour vous, Tristan. Ah, un scoop spécial Fadjet. Ah, exactement, en exclusivité. PPDA, le célèbre journaliste, voilà, aux mœurs un peu légères. PPDA est soutien officiel de Jean Lassalle. Hein. Ah bon. Vous nous expliquer pourquoi? Ah ben, d'ailleurs, il y a une petite blague qui circule dans le milieu qui dit que la campagne, Patrick met le poivre d'abord et ensuite Jean Lassalle. c'est sympa, non? Oui, c'est très bien. Merci. Laisse une dernière occasion. Excusez-moi, je m'énerve et je sature le micro. Je vous laisse une dernière occasion, Serge, de nous faire un reportage digne de ce nom. Fadjet est une association, est une radio associative et qui reçoit de l'argent de la mairie pour pouvoir fonctionner. On attend un petit peu plus de professionnalisme. On arrête là-dessus. Et on se retrouve, je me calme, pour le retour de l'émission phare de cette matinale de 18h. J'ai nommé les grosses fesses, mais avant les grosses fesses, King Kong 5, Mano Negra, enjoy, à tout de suite. Now listen to the beat of the song, I'm buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of the song, I'm buzzing in my head like a bomb down. Twins are checking through the book and like one big fly, but don't about the soul while having club. I see my song and I'm a rocker, I'm burning up with a put-ass fever. Buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Listen to the beat of a song. You're buzzing in my head. Tweets and trusted to the boogie light. Tweets and trusted to the boogie light. streets and trips into the boogie line. King Kong fire. A beat of a song buzzing in my head, my head like a bum bum. Listen to the beat, a beat of a song buzzing in my head, my head like a bum bum. We're standing alive, oh, with a King Kong fire, through the King Kong drive on the Cabernet boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat, song buzzing in my head, I'm head like a bomb bomb. I listen to the beat of a song you're buzzing in my head like a bomb bomb. Twitching to the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket, burning up with a brutal feel. To the beat of a song buzzing in my head like a bomb bomb. I listen to the beat of a song you're buzzing in my head like a bomb bomb. A beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong fire, King Kong drive on a Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong fire, King Kong drive on a Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat. Beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat. Mano Negra, King Kong 5. La matinale de 18h, l'émission qui est bujon. Oui. Bienvenue sur notre première émission, les grosses fesses, vous l'attendiez tant sur Fadjet, c'est aujourd'hui une réalité, mon siège qui descend. Autour de cette table, nous avons Manu sans micro, bonjour Manu. Bonjour. Crie fort, sinon on t'entendra pas. Bonjour. Voilà, on l'entend au loin. Il n'y a pas de micro, mais il est à la flûte. Eh oui, c'est il est à la flûte et il sait parler en même temps qu'il fait de la flûte. Il a des orifices étonnants. James, ça va toujours bien, ouais, James? Ouais, trop bien. Pour cette première matinale. Ah, ouais. Ok, Jocelyn, ça va autour de cette table? Abdoula, ça va. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on passe tout de suite à une première citation, sans plus attendre, qui a dit « Il est sûr, au moins, cet hélicoptère ?» Oh là là. Alors non, ah. non, c'était pas Balavoine parce qu'on n'avait pas l'enregistrement. C'est pas un basketteur qui est. Non, là, c'est trop, ça. Là pour moi, c'est trop. Alors Kobe Bryant, Dali, c'est trop récent. Non, ouais, c'est trop récent. Ah, peut-être. Kobe. Ah, Kobe Bryant, non plus, parce que là, c'est vraiment du français hein, dans le texte. Hein. Ah oui, il est sûr. Voilà, cet hélicoptère. Ça n'a pas été traduit. Ouais. Il est sûr cet hélicoptère. Peut-être qu'il était sur quelque chose. Ah, il est posé. Où est mon chien? Ou alors peut-être que l'hélicoptère vient de dire quelque chose et ouais. Genre on le demande s'il est sûr de lui. Il est sûr l'hélicoptère? Ah, est-ce qu'il est sûr? Hein, ça peut être on est sur une piste effectivement. Ah, ouais, ça peut être quelqu'un qui du coup s'adresse aux hélicoptères, donc peut-être quelqu'un qui vend des hélicoptères à un Serge Dassault. Ouais. Alors je donne un indice, c'était un mardi. C'est pas Serge Dassault du coup. Non, bah voilà. Alors, parce que j'aurais dit jeudi, bon bah là, Serge Dassault. Mais bien sûr que non, puisque hélicoptère, c'est un hélicoptère de combat, c'est probablement le ministre de la Défense, Jean-Yves Pascal, effectivement. C'est Jean-Yves Pascal qui a dit il est sûr au moins cet hélicoptère en parlant à son fils quand il allait à jouer Land pour pouvoir acheter un cadeau à son fils. Oui, effectivement. Oui, oui. C'est... Ah, là là. Ah non, mais c'est vraiment. Père-fils comme ça. Quelle histoire, effectivement. C'est père-fils ou père-fille, il faut choisir. Ah oui. Là, on part sur un inventeur. Oh, oui. Et toujours, on est toujours en France. Ouais. Qui est l'inventeur du Minitel à particules? Vaut mieux partir sur un inventeur que sur un inventaire. Hein. Tous ceux qui travaillent dans le commerce le sauront. Voilà, alors. Si je peux me permettre. Oui. Un inventeur, le Minitel à particules. C'est un Minitel quantique, donc j'imagine. Sinusoïde, forcément, derrière. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Alors. Quand on entend ce bruit, ça veut dire qu'il ne reste plus que 10 secondes. Il ne reste plus que 10 secondes. J'ai envie de tenter Marie Curie quand même. Marie Curie. Moi j'aurais dit Faudel, mais. Eh non, c'était Marie Tandoori. Ça se joue à rien. Elle a aussi inventé la sauce. Un train Curie et un Tandoori, c'est vrai que. Mais non, c'était Marie Tandoori, effectivement, qui a inventé le Minitel à particules, qui nous a tellement fait du bien dans les années. moment de la Révolution, je crois, oui. Effectivement. Enfin, une dernière petite question, il nous reste très peu de temps. Je vais vous commencer le début d'un proverbe, vous devrez trouver la fin. À bon chat. Ah, pour moi, c'est à bon chat qui sait attendre. Pour moi, c'est à bon chat, t'as pas fait la vaisselle ? Alors, non. Alors, à bon chat, tu as recherché du charbon. Je vais vous donner un indice. On se situe en Auvergne. L'accent auvergnien. À bon chat, bon volcan. Alors, oh ouais, là. C'est vrai, mais bon chat, bon non, c'est ah. Ah, il ne reste vraiment plus que 10 secondes. Ah, Manu, oui. Ah non, non, pas un bon chat. Non, pensez à l'accent de Auvergnat. Auvergnat, voilà. Ouais, mais pour moi, c'est... Ah bon chat, je ne savais pas. Ah, alors, on y est presque, on y est presque. Ah bon chat... Ah bon chat, alors. Ah oui, ah, yes, yes. Ah non, c'est toi. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est ah bon chat, alors. Ah, effectivement, ah, oui. Vous l'avez. Ah, bravo, bravo, bravo. Ah, merci. Merci, merci d'avoir participé à cette émission qui vous réveille Fadjet. Oui, tu veux dire quelque chose ? Est-ce qu'on gagne quelque chose, peut-être ? Pas du tout, du tout. Et c'est ça qui est bien sur Fadjet. On se contentera du salaire de Fadjet. Rien du tout. Par contre, vous pouvez aller sur le jeu auditeur, sur la page Fadjet, pour pouvoir gagner des places, un spectacle. Ça, c'est possible. Mais chez nous, non, dans l'émission la matinale de 18h, non, pas du tout. Émission de radin. Sans plus attendre, l'émission L'invité Showbiz. Et l'invité Showbiz, c'est DJ Quelconque, DJ qu'on va Quelconque, recevoir dans un instant. Et ouais, qui va nous célèbre. Restez DJ. Vraiment en ligne juste après Queen. The show must go on. See you later. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. We'll be right back. Queen, the show must go on. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. Notre tout premier invité showbiz, c'est James qui le reçoit et oui. Nous recevons DJ Quelconque. Bonjour DJ Quelconque. Ouais, bonjour Tristan, bonjour James, ça fait plaisir d'être ici. Hein. Ah là là, DJ Quelconque, quel bonheur de te recevoir. Donc voilà, le DJ de Nancy, hein, né à Nancy. Nancy Intramuros, ouais, c'est Nancy de Intramuros, là c'est super. Et puis là, donc voilà, tu reviens dans les locaux de Fadjet qui t'ont lancé. Hein, c'est, hein, la petite anecdote, c'est ça, c'est que t'as démarré sur Fadjet, quoi. Ah, tu connais mon background, tu connais tout. Ouais, j'ai commencé sur Fadjet, ouais, j'ai pas mal. Ah, sur Fadjet, ouais, sralala, c'était grand. Alors, ton style musical, un petit peu, ton style musical, c'est quoi? C'est l'aléatoire, en fait. C'est des sons au hasard, c'est on ça? On est sur un son qui va être sur quelque chose d'inédit à chaque seconde. C'est du bébé. Ah ouais, incroyable. Oh là là, on nous a fait un petit extrait, là, c'est vraiment en exclusivité sur Fadjet. C'est dans ton nouvel album, celui que t'as fait là? Celui-là, je le mixe, il est encore en prod, mais ouais, ça sera dans ah ouais, album. C'est vraiment une exclu assez forte que tu viens de nous donner là pour Fadjet, mais c'est trop bien. Et donc du coup, alors qu'est-ce que ça fait? Tu reviens à Nancy, tu reviens sur tes terres. Bon, j'imagine maintenant ton quotidien, c'est Los Angeles et compagnie. Ouais, bon, après Nancy, ça n'a rien à voir avec mon quotidien, mais je reviens sur le rinté, je recroise un petit peu les vieux micros, je rediscute avec les mêmes personnes. Mmh. On est en train de revivre. Est-ce qu'on pourrait parler du buzz que tu as créé, DJ Quelconque, avec cette parution que personne n'a compris. Moi personnellement, je ne l'ai pas compris sur les réseaux sociaux où tu as dit walala, what the fuck. C'était chaud ça. Ah oui. Ah ça bat de buzzer, Beaucoup de gens n'ont pas compris. Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Bah voilà, là, what the fuck, pour moi c'était les prémices du nouvel ère, l'ère du son, l'ère du groovy. Mais c'est vrai, cela dit Tristan, il faut quand même préciser, je me permets quand même DJ Quelconque, de dire que t'as quand même calmé les esprits avec un tweet après en mettant toi-même tu sais. Voilà, j'avais ma communication derrière qui me disait DJ. Il y a de la politique derrière, il y a de la politique. Ouais, hein, c'est pas l'invité politique, mais presque un petit peu. Hein. Après, je suis pas là pour en parler des bad buzz, mais voilà. On pouvait pas occulter ce bad buzz là. C'est tellement chaud dans l'actualité. Après, c'est quand même un grand honneur de recevoir une star de ce calibre là, hein, le calibre de DJ Quelconque. C'est voilà, on parle de lui au même niveau que. Voilà, Jésus-Christ, la reine d'Angleterre, etc. On est quand même sur un calibre vraiment... voilà, et en tout cas, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point t'es normal, t'es accessible, j'ai presque envie de dire sympathique. Bah moi, t'as mon numéro, tu m'appelles, je réponds. C'est incroyable, ça. Y a pas de « non, il faut passer par un gars, envoyer un mail, moi, je suis simple. Je suis simple, les amis c'est les amis, les radios c'est les radios, les amis c'est la radio, les radios c'est les amis. Ah oui, mais là, et puis en plus, il y a un truc aussi, j'ai du mal à ne pas le voir, mais... Tu es beau, physiquement incroyablement beau pour quelqu'un qui a fait de la radio toute sa vie, qui est resté donc derrière le. C'est quelqu'un qui est vraiment très beau. Est-ce qu'on peut écouter un petit morceau de ta dernière chanson? Un morceau complet? Ah, ça serait un petit morceau. Oh, bah, oui, pas le temps sûr, tout. Bien sûr. Waouh. J'arrête là parce que c'est juste avant le drop, sinon les gens vont faire c'est impressionnant. En fait, le truc c'est que c'est émouvant en fait. Tout à fait. Excusez-moi, j'ai quand même un tout petit peu de passe parce que moi ça m'évoque beaucoup de choses en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que je sais pas. Non mais je suis désolé Tristan, il va falloir que je prenne l'antenne parce que là j'ai l'avenir. Là, submergé, oui, là, juste un petit mot pour l'avenir. Qu'est-ce qui doit arriver Voilà, merci. Wow, juste waouh quoi. Pour cette clôture d'interview, merci encore DJ Quelconque et merci de rien, James. Les gars, de rien, de plaisir. Merci à toi. Oui. Merci. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Tout de suite, on rejoint Serge Fula. Alors, Serge Fula, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, oui. est censé faire le tour des QG, des candidats à la présidentielle. Pour l'instant, on est sur deux échelons. Je suis juste garé en... Pardon. Oui ? Pardon ? Vous êtes où là ? Vous êtes où ? Non, excusez-moi. On n'est pas sur un QG, là. Si. C'est juste que là, ils sont en train d'emmener ma voiture. Mais je suis juste là pour une émission. Fadjet Radio. It's Fadjet. Oui, je suis en fait au QG de Valérie Pécresse. Voilà. Non, là vous êtes dans la rue là. Oui, mais en fait je me suis garé pour rentrer, mais voilà. Il se trouve qu'ils en. I have the... Voilà, très bien. J'ai merci, payé le... merci, c'est non, mais un écoutez, j'ai fiasco le... total. Excusez-moi, j'avais quand même des scoops à apporter sur... Eh ben super, vous les laisserez pour l'émission de la voisinade animée par Guélon. D'accord, très bien. Je rappellerai merci. À ce moment-là parce que... Voilà, très bien, merci, c'est vrai tout de suite. Laissez ma voiture, monsieur. Hellbells, ACDC. A tout de suite pour la fin de l'émission avec le jeu auditeur. ACDC, Hell's Bells. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. C'est le jeu auditeur. On va sur Fadjet appeler un auditeur pour lui faire gagner, je l'espère, le Kaba Fadjet. Alors James, un chiffre entre 1 et 3. 2, très bien. Ben on est en train d'appeler Manu. Est-ce que j'ai un son de cloche? C'est pas grave. Non, j'ai un son de bruit. Voilà, deux corps qui tombent. Manu, oui, vous nous entendez, Manu? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, Manu. Est-ce Bonjour. Que vous savez qui nous appelle? Qui vous appelle? Non, du tout. Alors attendez, attendez, il y a peut-être une voix qui va vous mettre sur... Bonjour Manu, c'est Jocelyn, est-ce que tu me reconnais? Ah oui, je reconnais. Alors c'est... Alors tu m'as entendu où? C'est Fadjet, c'est le cabas de Fadjet. Ah oui, exact, voilà. Le cabas de Fadjet. Voilà, ah, là, alors, j'étais ailleurs. Mais bah non, mais oui, mais c'est normal puisque vous n'êtes pas à Fadjet. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le cabas de Fadjet à gagner aujourd'hui? Il n'y aurait pas le dentier de Jean-Marie Le Pen? Ah non, effectivement, on n'a pas. Le canard en plastique de François Bayrou, non? Non plus, alors on n'a rien en termes de politique, c'est dommage, mais alors un dernier essai peut-être. Non, rien. Non, bah, je pensais qu'il y avait c'est ça. C'est ballot, bah... Manu. Bah, c'est pas Manu, grave. Bah, Manu. Ça a déjà été gagné, du coup. Bah, alors, j'espère que ça vous aura fait plaisir d'être sur cette. Bah, très bien, merci. Radio. Une petite dédicace, peut-être, pour Manu. Mais... On peut vous envoyer une dédicace. Oh, une dédicace, très bien, une dédicace. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Pour rappel, il y avait un camembert en forme de schtroumpf et puis le fameux Sax Martiz à 5 euros. Qui était dans le cabas, plus le disque de DJ quelconque. Le fameux DJ quelconque. Merci en tout cas, Manu. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Voilà. Au revoir. Voilà, voilà. Bonne soirée. Ciao. C'est la fin de cette émission, la fin de cette matinale de 18h. Oh non. Merci à toi, James. Merci, merci beaucoup à toi, Tristan. Merci, Jocelyn. Merci beaucoup merci à toi, Manu. Tristan. Manu, qui est le stagiaire de Fadjet et qui est intervenu pour jouer le rôle de cet auditeur qui est appelé. Je laisse la main à je ne sais plus quelle émission derrière, mais pensez que demain matin à 7h, il y a la matinale de Fadjet et que lundi matin, j'interviens aussi sur la matinale de Fadjet. Il se regarde avec... Tu crois que tu me brosses? Ben voilà, voilà. Allez, merci des gros bisous Fadjet. Tout le monde. Merci, ouais, ciao, ciao. Bonne journée sur Fadjet. Salut. 94.2 Fadjet.